إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on poursuit inshallah cette série intitulée l'indispensable dans l'apprentissage de la révélation immuable, et on a vu les cours derniers les vertus de la religion de l'islam et sur quoi elle se basait principalement et ses objectifs. Et lorsque la personne, et plus particulièrement celle qui n'est pas encore musulmane, lorsqu'elle s'aperçoit que l'islam possède de multiples vertus, que cette religion était en réalité la continuation du message que tous les prophètes ont proféré à travers les temps et les lieux, que ce soit à partir de Noé, en passant par Moïse, en passant par Jésus, et jusqu'au dernier et le sceau des prophètes, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, on s'apercevra que tous ont appelé au monothéisme pur, et que cette religion, elle est donc basée sur le monothéisme pur, ce qu'on appelle donc at-tawhid, et que la croyance de cette religion est claire comme de l'eau pure, que c'est également une religion qui est universelle et qui ne fait de distinction entre les races et les couleurs, et que cette religion l'invite à la pratique du bien, de ce qui est bénéfique pour l'homme, que ce soit dans cette vie d'ici-bas ou dans l'au-delà. Que cette religion, elle est authentique. L'authenticité de cette religion quant à ses sources, le Coran et la Sunna. Lorsque la personne s'aperçoit que cette religion est en harmonie complète avec la nature humaine, car c'est la religion de celui qui a créé les cieux et l'univers et ceux qui s'y trouvent, et parmi ces créatures, les humains, cette personne-là, lorsqu'elle s'aperçoit de cela, que son cœur est sincère pour revenir à Allah, pour revenir donc à son Seigneur, alors la question qui va se poser ici, c'est comment il va rentrer dans cette religion? Quels vont être ses premiers pas dans cette religion? Une question qui se pose et dont la réponse est très simple. La personne, elle va rentrer dans la religion de l'islam en prononçant une simple parole. La personne, elle va devenir musulmane après avoir prononcé une seule parole. Cette parole-là, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, qu'on va comprendre, qu'on va étudier d'un peu plus près. Cette parole, c'est en réalité shahada, c'est le témoignage. C'est également ce qu'on appelle kalimat al-tawhid. C'est également ce qu'on appelle la parole de l'unicité. Car c'est un témoignage, ce témoignage donc de l'unicité. Cette parole, c'est la suivante. La ilaha illallah, Muhammadan Rasulullah. C'est-à-dire que la personne, elle va témoigner. Taqul, ashhadu, qui est donc ici le témoignage. Et dire, je témoigne, ashhadu, la ilaha illallah. Je témoigne qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, digne d'adoration, si ce n'est Allah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et je témoigne que Muhammad est son envoyé. Anna Muhammadan Rasulullah. Que Muhammad est l'envoyé d'Allah. La personne, lorsqu'elle a prononcé cette parole, et qu'elle en a su donc, elle en a pris science, qu'est-ce que veut dire cette parole, et qu'elle sait ce que cela implique, cette personne-là va rentrer dans la religion de par uniquement cette prononciation, la prononciation de cette parole, ou de ces deux témoignages, ce qu'on appelle ici les deux témoignages. Donc, le premier témoignage qui est de témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, et le deuxième, que Muhammad et l'envoyé, et le messager, et le prophète d'Allah. Et on sait que cette parole, et dont on va revenir donc sur son explication, elle a une place qui est fondamentale dans la religion, et principale. Car dans un premier temps, c'est le premier pilier de l'islam. Le premier pilier de l'islam. Car Ibn Omar, radiallahu anhu, qu'Allah l'agré, un des compagnons du prophète, et qui était le fils de Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife de l'islam, nous rapporte cette parole du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui a dit, Bunya l'islam ala khams. C'est-à-dire que l'islam est bâti sur cinq choses. Et la première chose qu'il a citée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. C'est-à-dire le témoignage qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah. Wa iqamu s-salah wa ita'u z-zakah wa sawmu ramadan wa sawmu ramadan wa hajju baytillah al-haram liman istata'a ilayhi sabila. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité les quatre autres piliers, qui est l'accomplissement de la prière, le paiement de l'impôt rituel, az-zakah, le jeûne du mois du ramadan, et ensuite, et le dernier, le pèlerinage à la maison d'Allah, la maison sacrée d'Allah, pour celui qui en a la possibilité. Cette parole donc, la parole de l'unicité, est la base de la religion. Et c'est donc la première obligation que l'homme doit accomplir, donc ici pour entrer dans l'islam. Il suffit de savoir que cette parole-là, tous les actes qui vont venir ensuite, ils ne seront acceptés que si cette parole-là, elle est prononcée par l'homme et qu'il applique ce qu'elle implique. Il nous suffit de savoir cela pour comprendre donc son importance au niveau de la religion, pour ce qui est de sa signification. La signification de cette parole, la ilaha illallah, la ma'bouda bi haqqin illallah, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'être adoré. Ma'boud, c'est donc l'être qui va être adoré, à qui on va vouer une adoration. Ici, on va donc nier tout être adoré, et en toute vérité, bihaq, c'est-à-dire à juste droit. À juste droit. Car on sait que dans la terre, malheureusement, que sur la terre, il y a des êtres qui sont adorés en dehors d'Allah. Il y a des idoles, il y a des statues qui sont adorées en dehors d'Allah. Ça, c'est bel et bien une vérité. C'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut témoigner, que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, malheureusement. Mais celui qui réellement détient cette adoration et mérite uniquement cette adoration, c'est Allah. C'est pour ça que l'on dit qu'il n'y a pas donc d'être adoré en toute vérité, digne d'adoration. Donc ici, digne d'adoration, qui mérite réellement cette adoration, si ce n'est Allah, illallah, si ce n'est Allah, la ilaha illallah, la ma'bouda bihaqqin illallah. Et donc, on va voir que cette parole repose sur l'unicité ici. Et l'unicité qui va être propre à l'adoration. L'unicité qui va être propre donc à l'adoration d'Allah. Et on n'a pas donc dans ce sens le droit de dire que cette parole-là, elle voudrait dire qu'il n'y a pas de créateur si ce n'est Allah. Qu'il n'y a pas d'être présent si ce n'est Allah. Qu'il n'y a pas de pourvoyeur si ce n'est Allah. Et d'autres choses encore. Non, celui qui va définir cette parole, la ilaha illallah, par ces sens-là, il n'a pas donné le véritable sens à cette parole. Il n'a pas donné le véritable sens, car en réalité, on va le voir plus en détail après, c'est qu'il faut savoir que pour ce qui est de reconnaître qu'Allah est le seul créateur qu'il y a sur terre et dans les cieux, qu'Allah est le seul qui pourvoit aux besoins des hommes, etc. Il faut savoir que cette croyance-là, c'est celle qu'avaient les Arabes avant même l'avènement de l'islam. Il faut savoir que les Arabes, donc, étaient considérés à cette époque-là comme des polythéistes avant que Allah fasse descendre cette religion et la dernière des religions, donc, sur son prophète Mohammed. Il faut savoir que les gens, ils adoraient des tombes, que les gens, ils adoraient des statues, que les gens, ils adoraient des idoles. Et on sait qu'à la Mecque, il y avait 360 idoles qui étaient adorées, subhanallah, qui étaient adorées donc dans l'enceinte de la Mecque. Et ces gens-là qui adoraient ces statues, qui adoraient ces idoles, ils avaient une ferme croyance que celui qui avait créé les cieux et la terre, c'était Allah, c'était en réalité le Seigneur. Ils n'avaient pas de doute sur ça, sur cela. C'est pour ça que le Coran, il nous le rappelle dans ce verset du Coran et dans beaucoup d'autres versets du Coran. Dans cette parole d'Allah, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ لَا يَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils vont te dire c'est Allah. Donc, ce que nous rappelle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset du Coran, il nous rappelle tout simplement la croyance qu'ils avaient, c'est qu'ils considéraient bel et bien qu'Allah c'était le seul créateur, qu'il était le seul qui pourvoyait donc aux besoins des hommes. Mais malgré cela, ils ont adoré en dehors de lui des idoles et des statues. Et cela donc, suivant leur argumentation, leur fausse argumentation, afin qu'ils se rapprochent d'Allah. On sait que cela est faux et qu'en réalité, ils sont tombés bel et bien, ils ont été bel et bien dans des polythéismes. Car ce qui est la base de l'islam, comme on l'a déjà vu, c'est l'adoration. Et c'est donc ici la réelle signification de ce terme, la ilaha illallah. C'est-à-dire que le sens réel de cette parole-là, c'est de n'adorer autre qu'Allah. Donc le fait de dire que cette parole-là voudrait dire uniquement qu'il n'y a pas d'autre créateur, qu'il n'y a pas d'autre pourvoyeur, si ce n'est Allah, on ne saurait donner donc le véritable sens à cette parole. Le véritable sens donc, c'est l'adoration ici qui va en ressortir. C'est tout simplement la concrétisation de l'adoration. C'est-à-dire témoigner que seul Allah Azzawajal mérite cette adoration. Ça c'est pour ce qui est de la signification de la ilaha illallah. Et on va s'apercevoir à travers cette signification que ce témoignage, il va comporter deux piliers et qu'on va retrouver dans la première partie de cette parole, la ilaha. Ici donc, c'est ce qu'on va appeler une négation. On voit bien qu'on a commencé cette parole par une négation. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration. Donc on va commencer cette parole par une négation, c'est-à-dire nier toute adoration en dehors d'Allah. Nier qu'un être, qu'une tombe, ou alors qu'une statue, ou une idole ou autre mériterait l'adoration. On va nier cela. Et donc ça, c'est une condition pour concrétiser cette parole, c'est-à-dire pour appliquer cette parole. Donc tout musulman qui va prononcer cette parole-là, automatiquement, il ne devra adorer en dehors d'Allah rien du tout. Qu'il ne devra pas adorer un saint, qu'il ne devra pas adorer une tombe, etc. Il ne devra donc rien, absolument rien adorer. Donc ici, on voit que le premier pilier, c'est bel et bien la négation. Ce qu'on appelle en arabe nafi. Et que l'on retrouve dans la première partie, la ilaha. Et ensuite, la deuxième partie, qui est illallah, sauf Allah. Ici, ça va être bien entendu une affirmation. Après qu'on a nié l'adoration pour un autre qu'Allah, on va affirmer que cette adoration, elle revient donc à juste droit, uniquement pour Allah. Et donc, si on concrétise ces deux piliers, premièrement cette négation, et ensuite cette affirmation, alors à ce moment-là, on sera réellement devenu un monothéiste. On sera réellement devenu donc une personne qui adore uniquement le Seigneur des cieux et de la terre. Uniquement à ce moment-là, lorsqu'on aura concrétisé donc ces deux piliers, la négation et ensuite l'affirmation. Car une personne qui nierait et qui n'adorerait personne dehors d'Allah, mais qui n'adore pas ensuite Allah, automatiquement elle n'a pas concrétisé. Il n'a pas donc fait preuve ici de ce qu'impliquait l'affirmation. Ensuite, après avoir vu donc sa signification et ses piliers, il faut savoir que cette parole, la ilaha illallah, elle a des vertus qui sont innombrables, beaucoup de vertus, des bénéfices pour l'homme. Comme on l'a vu, celui qui va la prononcer, il va rentrer donc dans l'islam, automatiquement, s'il la prononce, en sachant ce que cela veut dire. et ce que cela implique, alors à ce moment-là, il va rentrer dans la religion de l'islam, de par cette parole uniquement. Ensuite, il faut savoir que cette parole-là, c'est celle qui était prononcée, la meilleure des paroles qui était prononcée par tous les envoyés, que ce soit Noé, que ce soit Lout, que ce soit Youssouf, que ce soit Moïse, Jésus, et tous les envoyés, ce sont la meilleure des paroles qu'ils ont prononcées. Également, que c'est le prix du paradis, que de par cette parole-là, c'est cette parole-là qui va nous faire rentrer réellement dans le paradis, lorsqu'on la comprend et lorsqu'on applique ce qu'elle implique. C'est également une parole qui va donc nous assurer le paradis, si on la prononce donc avec sincérité. Et cette parole, si on regarde, c'est une parole donc qui a des lettres qui sont peu nombreuses. Peu de lettres. La ilaha illallah. Rien d'autre. Et en plus, elle est légère pour la prononciation. Elle est très légère à la prononciation. Mais il faut savoir qu'elle sera très lourde dans la balance. Très très lourde dans la balance. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, également, il nous informe que si la dernière parole de l'homme, c'est cette parole-là, la ilaha illallah, alors il rentrera dans le paradis. Avant qu'il meure, si sa dernière parole, c'est cette parole-là, la ilaha illallah, alors il rentrera au paradis. Bien entendu, si durant sa vie il a appliqué ce que cette parole impliquait, et c'est ce qu'on verra donc plus tard. Et également donc, elle le protège du feu. Et cette parole-là également, elle va impliquer le pardon d'Allah. Et cette parole-là, elle va également effacer les péchés. Et c'est en réalité la meilleure des bonnes actions. La récompense de cette parole, elle va être multipliée. Cette parole-là également, elle va nous protéger. Elle va repousser les tentations du diable. Et encore d'autres vertus, d'innombrables vertus qu'ont rappelé les savants à son sujet. Donc on a vu, la ilaha illallah, pour ce qui est donc du premier témoignage. Ensuite, il y a le deuxième témoignage. Le deuxième témoignage, qui est comme on l'a vu en introduction, Anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire Ashhadu Anna Muhammadan Rasulullah, c'est-à-dire que je témoigne que Muhammad est l'envoyé de Dieu, est l'envoyé d'Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Et qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela va donc impliquer directement, cette parole, lorsqu'on dit que je témoigne que Muhammad, c'est l'envoyé d'Allah? Qu'est-ce que ça veut dire cela, réellement, concrètement? Ça veut dire qu'on va donc croire tout ce qu'il va nous informer. Car ce prophète, il parle par la vérité, il ne parle pas par le faux. Il transmet ce qu'on lui a donc appris, ce qu'on lui a donc informé, et qui est donc ici la révélation. Donc, cela implique de témoigner qu'il est l'envoyé d'Allah, cela implique qu'on doit le croire en tout ce qu'il nous a informé. Et donc, on n'a pas le droit de douter sur une de ses paroles. Également, et c'est ici le deuxième point, c'est qu'on doit l'obéir lorsqu'il nous ordonne une chose. C'est-à-dire donc, lui donner notre obéissance dans tout ce qu'il nous a ordonné. Donc, dans tous les hadiths qu'on va lire, et dont on va savoir que ce sont des obligations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam à prononcer, on devra donc y obéir, on devra donc les appliquer. Et à l'opposé, on devra donc s'écarter de tout ce qui nous a interdit, de par ses paroles, de par ses actes, sallallahu alayhi wa sallam. Également, ce qui va rentrer dans ce témoignage, c'est qu'on va révérer ses ordres et ses interdictions, c'est-à-dire les placer au plus haut niveau, sachant que cela en réalité n'est autre que la révélation d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'il a placé également sur la langue de son prophète. Car c'est lui qui nous a informé comment on va adorer Allah. C'est lui qui nous a informé également qui est Allah, etc. On le verra. Également, ce qui rentre dedans, c'est qu'on n'a pas le droit de placer une parole au-dessus de celle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On n'a pas le droit de faire devancer une parole sur celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si c'était l'homme le plus pieux, même si cette personne est un grand imam, même si cette personne est un saint, avoir la croyance ferme que cette parole elle prévaut sur toute autre parole, Elle prévaut sur toute autre parole. Même si cette parole vient, donc, comme on l'a dit, d'une personne qui est pieuse, ou alors d'un grand imam dans l'islam. Ça donc, c'est pour ce qui est du deuxième témoignage. Et donc, du premier et du deuxième témoignage, on a donc ici la signification, est-ce que cela va impliquer. Ensuite, et ce qui est important également à savoir, c'est que cette parole-là, c'est-à-dire ce témoignage, Shahadatun la ilaha illallah, et le deuxième témoignage, Anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, cette parole-là, si la personne l'a dit avec sincérité, elle rentrera dans le paradis. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith qui nous a rapporté par Ubadat ibn Samit, radiallahu ta'ala anhu, dans un hadith authentique, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que celui qui va témoigner qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, et que Muhammad est son esclave et son envoyé, et son esclave et son envoyé. Et bien entendu ici, lorsqu'on dit son esclave et son envoyé, c'est-à-dire que même si nous, on a la ferme croyance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a donné la révélation, et qu'il était donc dans la meilleure des positions, et qu'il était donc, à partir de là, vu que c'était le sceau des prophètes, le meilleur des hommes, et qu'il a parachevé cette religion, et qu'elle est restée authentique jusqu'à nos jours, il faut savoir que on ne l'élève pas au-dessus de ce qu'il est, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il est un homme, et qu'il n'a droit à aucune adoration. Et c'est lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qui nous a enseigné tout le long de sa vie, son existence. C'est-à-dire vouer un culte exclusif à Allah uniquement. Et ne jamais, que ce soit à travers des paroles, que ce soit à travers des actes, ne jamais, donc, élever le prophète sallallahu alayhi wa sallam au-dessus de ce qu'il est. C'est-à-dire un homme qui n'a aucun droit, donc, par rapport à l'adoration. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous dit, après avoir dit, donc, et témoigné que Muhammad et l'esclave est envoyé d'Allah, donc un esclave pour ce qui est donc de sa position, et qu'il est donc un homme comme les autres, wa rasoulou, mais un envoyé, et ce qui fait donc que sa place est la plus haute par rapport aux hommes, wa anna Isa abdullah wa rasoulou, et également témoigner que Jésus est l'envoyé d'Allah, son esclave également son envoyé, avoir donc la ferme conviction par rapport à Jésus. C'est bel et bien, ça a bel et bien été un envoyé parmi les autres envoyés, et que ça a été son messager. Donc de même pour ce qui est de Isa, pour ce qui est donc de Jésus, chaque musulman croit que Jésus a été à la plus haute des places parmi les hommes, c'est-à-dire celle de la prophétie, mais que dans un même temps, comme le prophète Mohammed, il n'a aucun droit pour ce qui est de la divinité, c'est-à-dire le prendre comme un dieu, ou alors l'élever au rang de divinité. Cela donc, c'est strictement impossible, car c'est, comme on l'a vu au départ, en totale contradiction avec ce témoignage. La ilaha illallah. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah. Et donc ici, on voit bien que si on vouait un culte à Isa, pour le placer au niveau de divinité, alors on annulerait totalement. Quoi ? On annulerait complètement donc notre croyance, et qui est celle donc de l'unicité. Et que c'est sa parole qu'il a envoyée donc à Maryam, wa ruhun minhu wal jannatu haqqun wan naru haqqun, également que le paradis c'est une vérité, et que l'enfer, le feu donc, l'enfer c'est une vérité. Cette personne-là, elle rentrera au paradis, c'est là réellement cette croyance-là. Si elle croit donc en cela fermement, elle rentrera au paradis. Comme nous dit le prophète sallam, adkhalahu Allahu al jannata ala ma kana min al amal. Allah azza wa jalla le fera rentrer au paradis suivant même ses actes, suivant même ses actes, même donc s'il n'a pas des actes qui seraient suffisants pour entrer dans le paradis. Donc on voit ici également l'importance, et que c'est donc plus qu'important de connaître ash-shahadatayn, de connaître donc les deux témoignages par lesquels on rentre dans l'islam. Et ensuite, pour comprendre encore mieux ce qu'est la shahada, lorsqu'on dit que la personne rentre dans l'islam avec cette shahada, et la première, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, on a dit que cela impliquait des choses, et que cette parole, elle a des conditions pour qu'elle soit acceptée auprès d'Allah. Si la personne la disait sans même avoir aucune connaissance de cette parole-là, elle ne saurait donc être acceptée. Il faut donc savoir qu'est-ce qu'elle veut dire. Il faut avoir science de cela. C'est pour ça que maintenant, on va citer ce qu'on appelle ash-shurut, ce que l'on appelle donc les conditions. On va citer ici les conditions de cette parole, la ilaha illallah, afin donc qu'elles soient acceptées. Les savants, ils nous ont cité plusieurs conditions. Chaque condition qui va être prise, bien entendu, du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc à chaque fois que l'on va trouver une de ces conditions, on saura qu'elle revient à une preuve tirée du Coran, tirée de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première condition pour que celle-là, donc, pour que cette parole soit acceptée, c'est la connaissance. C'est ce qu'on appelle l'ilm, la connaissance. Et lorsqu'on a dit, bien entendu, la connaissance, c'est savoir son sens, comme on l'a précisé en début du cours. Savoir donc que Allah Azza wa Jalla est le seul qui mérite l'adoration. Et que toute adoration en dehors de lui, elle est bâtila, elle est en réalité nulle. Et la preuve qu'il faut avoir science de cette parole-là, c'est ce verset du Coran qu'Allah Azza wa Jalla nous cite. Et qui est la parole suivante, فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. C'est-à-dire, sache, donc, et science, sache qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Donc ici, فَعَلَمْ, le terme qui est utilisé, c'est bel et bien un verbe, et ce verbe-là, c'est tout simplement le verbe qui exprime la science. Sache, le savoir, sache. Il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah. Et également, ce verset du Coran, illa man shahida bil haqq wa hum ya'lamun. Sauf ceux qui témoignent par la vérité de cette parole, et qu'ils sachent, wa hum ya'lamun, et qu'ils sachent, qu'ils ont science de ce qu'ils disent. Et également, ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par l'imam Muslim et Ahmed et d'autres encore. Où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, man mata wa ya'lam annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah. Celui qui meurt et qui sait, ici encore le terme ya'lam, qui est le verbe ici, savoir, avoir science, et qui a science, qui sait, qui a le savoir, qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration si ce n'est Allah, alors il rentrera dans le paradis. Ça, c'est donc la première condition pour que ce soit accepté. Al-ilm, qu'on sache réellement ce que ça veut dire, cette parole, comme on l'a expliqué également précédemment. Ensuite, après avoir su, après avoir eu science de cette parole-là, il y a une deuxième condition qui va advenir ici, et qui est l'yaqin, qui est la certitude. Ce que l'on traduit par la certitude, al-yaqin, c'est-à-dire être sûr, et avoir la certitude de cette parole-là et de ce qu'elle veut dire. En avoir donc la certitude, bien entendu, qui va être à l'opposé de quoi ? Du doute. Comme la science était à l'opposé de l'ignorance. Ici, c'est à l'opposé donc du doute. On ne doit avoir de doute dans cette parole. Si la personne a un doute sur cette parole, elle ne sera donc acceptée, cette parole-là. Donc il faut avoir la certitude totale, al-yaqin. Et cette certitude, bien entendu, elle vient du cœur. C'est-à-dire qu'on sait et qu'on a croyance et qu'on a une certitude du fond de notre cœur. Et par rapport aux preuves de cela, c'est un des versets du Coran. Et qui est le suivant, surat al-Baqarah, qui est le verset 4. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. C'est-à-dire ceux qui croient sur ce qui a été descendu auprès de toi, ce qui a été révélé donc auprès de toi, ce qui t'a été révélé, et ce qui a été descendu avant toi et qui croit fermement à la vie future. Wabil akhirati hum yuqinun. Donc ici el yaqin, qui ont la totale certitude dans ce qu'ils croient. Donc il faut avoir la certitude dans cette parole là et également de cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette parole authentique où le prophète nous dit, cette parole qui est rapportée par le compagnon Abu Huraira, l'un des grands compagnons qui a rapporté le plus de hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, من لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. C'est-à-dire, il a dit à Abu Huraira, celui que tu vas rencontrer de derrière nous, ce mur, là où il y avait des personnes, et qu'il témoigne donc qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah, mustayqinan, c'est-à-dire qu'il a la totale certitude, qu'il a une certitude complète en cette parole-là, de son cœur, min qalbi, donc de par son cœur, alors fais-lui la bonne annonce du paradis. Donc on voit bien ici que le prophète Sam nous a bien cité cette condition à propos de cette parole et qui est l'yaqin, qui est donc la certitude. Avoir donc la certitude et qui est l'opposé de l'incertitude, qui est l'opposé du doute. Ensuite, la troisième condition, c'est al-qaboul. Al-qaboul, qui est en réalité l'acceptation. Qui est l'acceptation. Et cette acceptation, elle va s'opposer donc à toute forme de rejet. C'est-à-dire qu'on va accepter ce que implique cette parole, de par notre cœur et de par notre langue. C'est pour ça que Allah, dans un des versets du Coran, il nous dit « Qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna » C'est-à-dire, dites que vous avez cru en Allah et ce qui nous est parvenu comme révélation. Ce qui a été descendu donc sur nous, ilayna, sur nous, comme fi surat al-Baqarah, qui est le verset 136. Donc ici la personne, elle doit accepter cette parole et ce qu'elle implique. Elle doit l'accepter donc de par son cœur, elle doit l'accepter donc de par également sa langue. Ensuite, la quatrième condition, c'est ce qu'on appelle al-inqiyad. C'est al-inqiyad, ce que l'on peut traduire donc par l'obéissance. Al-inqiyad, que l'on traduit par l'obéissance, ou qu'on peut traduire également par la servilité. C'est tout simplement, ici, obéir et se soumettre à ce que indique cette parole-là. Donc c'est une soumission à cette parole, et c'est qu'elle donc, ce qu'elle implique. Ce qu'elle a pour sens, ce qu'elle veut dire. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit dans un verset du Coran, comme cela est fait sur la surat Nisa, c'est-à-dire les femmes, qui est le verset 125, وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Et également dans le deuxième verset que l'on cite, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, qui est fait sur la surat Luqman, qui est le verset 22. Donc pour ce qui est du premier verset, et qui est donc ici une preuve, que la personne, elle doit donc se soumettre, elle doit donc obéir à ce que va indiquer cette parole-là, comme adoration, etc. Pour ce qui est du verset donc, qui est meilleur en religion que celui qui soumet à Allah son être, tout en se conformant à la loi révélée. C'est-à-dire ici, مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. Donc ici on va voir que la personne, elle se soumet. Mimman aslama. Donc ici, du terme, al-islam, et qui est donc la soumission, qui soumet donc tout son être, qui soumet tout son être à Allah Azza wa Jalla. Wa muhsin. Tout en se conformant donc à la loi, à la législation qui était révélée. Donc on voit ici que c'est l'inqiyad. On voit ici donc que c'est l'obéissance. Donc, également, c'est une des conditions d'acceptation de cette parole, qui est donc se soumettre à ce qu'elle indique. Ensuite, la cinquième condition, c'est as-sidq. C'est tout simplement la sincérité. Dire cette parole avec sincérité. Et bien entendu, pour ce qui est de la condition précédente, qui est l'inqiyad, qui est donc l'obéissance, la soumission, elle va, on va dire, être contraire à tout ce qui va être de l'ordre de l'ingratitude, de tout ce qui est de l'ordre de la désobéissance, et donc du fait de ne pas se soumettre. Pour ce qui est de la sixième, voire fois de la cinquième, on a dit la sincérité. C'est-à-dire qu'on dit cette parole avec toute sincérité. Et qu'on soit sincère envers Allah lorsqu'on dit cette parole. Qu'on soit sincère donc dans notre croyance, dans ce qu'elle veut dire. Qu'on soit sincère donc dans nos paroles. Qu'on soit sincère donc dans ce qu'on prétend. Dans notre foi. Donc c'est une sincérité. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla dit, Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as-sadiqin. Et qui est le verset fait surat al-Tawbah, qui est verset 119. Oh, vous qui avez cru, craignez Allah. Et soyez donc avec les sincères. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. Donc les sincères, qui ont été sincères dans leur religion, qui ont été sincères lorsqu'ils ont prononcé cette parole, qu'ils l'ont dit donc en toute sincérité. Bien entendu ici, rejetez toute forme d'hypocrisie, ou toute forme, toute sorte de mensonge. Ensuite, pour ce qui est de la sixième condition, al-ikhlas. Al-ikhlas, qui est, que l'on traduit bien souvent par la pureté d'intention. Al-ikhlas. Parce qu'on dit cette parole, on l'a dit, et on ne veut par là que l'agrément d'Allah, Azzawajal. On ne veut par là que plaire à Allah. On ne dit pas cette parole pour plaire à une personne. On ne dit pas cette parole pour plaire à un groupe de personnes. On ne dit pas cette parole pour acquérir des biens de cette vie d'ici-bas ou autre. On dit cette parole uniquement parce qu'on veut l'agrément d'Allah Azzawajal. Uniquement cela. Et c'est pour ça que Allah Azzawajal nous dit dans un des versets du Coran, وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. C'est-à-dire qu'on ne leur a pas de coordonnées si ce n'est d'obéir à Allah Azzawajal, مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. Comme cela est fi surat al-Bayyinah, qui est le verset 5. Mukhlisin, donc ici al-ikhlas, al-ikhlas qui est la pure pureté d'intention lorsqu'on dit cette parole-là et lorsqu'on va donc adorer Allah Azza wa Jal. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisin al-din. Également comme cela est venu dans un hadith du prophète où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit as'adu an-nas bi shafa'ati. Donc la personne qui va être la plus heureuse, à qui va profiter le plus mon intercession, celui qui va dire La ilaha illallah khalisan min qalbihi. Khalisan min qalbihi. Celui donc qui va dire qu'il n'y a pas d'autre divinité méritant l'adoration, mais de quelle façon il dit cette parole-là? Khalisan min qalbihi. Il l'a dit en ayant une pureté dans son intention. Et qui vient donc du cœur, cette pureté d'intention qui vient donc du cœur, min qalbi. Ça donc, c'est al-ikhlas. Naam. Il ne leur a été commandé cependant que d'adorer Allah, lui vouant un culte exclusif, c'est-à-dire en ayant une intention pure. Ensuite, as-sabiya, qui est donc la septième, c'est al-mahabba, c'est l'amour. Et naam. Également, ça fait partie des conditions de cette parole, l'amour, al-mahabba. C'est-à-dire, on l'a dit, cette parole, par amour, on aime cette parole et ce qu'elle implique et ce qu'elle nous indique. Donc on aime par là Allah, on va aimer son prophète. C'est pour ça qu'il dit Allah Azzawajal, donc dans ce verset qui fait surat al-Baqarah, qui est le verset 165, où Allah Azzawajal donc ici nous rappelle l'amour quand on est croyant et qu'ils le disent donc, ils ont dit cette parole et tout ce qui en ressort de par amour, avec amour, mahabba, qui va être bien entendu ici contraire au fait de détester, au fait de ne pas aimer ce que l'on dit ou ce que l'on prononce. Parmi les hommes, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or, les croyants sont les plus ardents à l'amour d'Allah. Ashaddu hubban lillah. Ça, c'est donc pour ce qui est de la septième. Et pour ce qui est donc de la dernière, qui est la huitième ici, c'est l'imayu'abadu min dunillah. C'est-à-dire donc, et ce qui avait été compris lorsqu'on avait cité cette parole, la ilaha illallah, c'est tout simplement dénier, renier, mais croire tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. Tout ce qui peut être adoré en dehors d'Allah. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, man qala la ilaha illallah, wa kafara bimayu'abadu min dunillah. Celui qui dit qu'il n'y a pas de divinité méritant l'adoration, si ce n'est Allah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, et qu'il a donc mécru à tout ce qu'on adore en dehors d'Allah. Hurrima maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah. Donc, ses biens et son sang seront sacrés, interdits. Et bien entendu, son compte reviendra à Allah Azza wa Jalla, celui qui sait réellement ce qu'il y a dans les cœurs. Donc ça, c'est pour ce qui est des conditions de cette parole, la ilaha illallah. Il faut donc remplir ces conditions pour que cette parole soit réellement acceptée. Et bien entendu, comme on l'a dit, avoir réellement science de cette parole et savoir tout ce qu'elle implique. طيب on s'arrête ici inshallah ou ta'ala pour ce qui est de ce cours. On continuera donc bi'idhnillah la semaine prochaine, vendredi prochain. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.